Chapitre 2 Le roi de beauté. Une chronique que j'ai retrouvée et que je suis seule à connaître assure que Charlemagne adorait les enfants. Il prit plaisir un jour à en réunir 200 dans son domaine de Paderborn, et là il leur dit « Vous êtes ici les maîtres, mes serviteurs sont les vôtres. Faites, si bon vous semble, une meule de toutes les fleurs de mes parterres, mes jardiniers vous y aideront. Improvisez une dinette monstre, à faire crever d'indigestion mon compère Guy de Bourgogne lui-même. Mes cuisiniers sont à vos ordres. Feuilletez mes plus riches enluminures, si vous les déchirez par accident, et Eginhard fera semblant de n'y rien voir. Brisez les cordes d'argent de la harpine de la reine, avant qu'elle s'en doute, on les remplacera. Ordonnez, opprimez, pillez même au besoin, je ne vous défends qu'une chose. » Et Charlemagne, fronçant ses gros sourcils, prit sa voix de tonnerre. « Une seule, entendez-vous? C'est de vous ennuyer. » Ce discours était bien fait pour exciter l'enthousiasme. En un instant, le château fut au pillage. Ivres de liberté, les petits affranchis couraient çà et là, butinant au hasard et sans profit, comme des papillons. Le bonheur de se sentir libre leur suffisait. Ce fut d'abord un vacarme assourdissant, une explosion de gaieté sans égale. On déchira quelques tentures, on ouvrit toutes les volières, on décapita quelques statues, on ravagea tous les buffets, on arracha toutes les fleurs. Puis, peu à peu, cette grande fougue s'apaisa. Au bout d'une heure, les enfants, livrés à eux-mêmes, n'ayant plus rien à détruire, ne savaient qu'inventer. Et quand l'empereur revint, il trouva ses jeunes invités dispersés dans le château, ennuyés, désœuvrés et tristes. Charles les appela tous autour de lui et leur demanda s'ils s'amusaient beaucoup. Les enfants baissèrent la tête sans répondre. Nouvelle question, nouveau silence. Cependant, Mitaine, plus hardie que les autres, prit la parole. « Parrain, à ne rien vous cacher, nous ne savons que faire, et nous nous ennuyons comme de toute notre vie cela ne nous était arrivé. »« Enfant, reprit Charlemagne, puisse ceci vous servir plus tard de leçon. Au plaisir comme à la bataille, tout marche de travers sans un bon organisateur. Pour bien s'amuser comme pour bien se battre, il faut avoir un chef. Nommez-vous un général des jeux qui dirigera votre fête, et par ma barbe, vous verrez que tout ira bien. » « Cher sire, crièrent les enfants en entourant l'empereur, choisissez-nous notre général. » « J'y consens, reprit Charlemagne, mais vous me promettez au moins d'obéir à celui que je désignerai. » « Oui, oui. » Charlemagne avisa dans le groupe un charmant blondin de 12 ans, et le prenant doucement par l'oreille, il le présenta à son petit peuple. « Voilà le roi Telet que je vous offre. Obéissez-lui comme à moi-même. Et toi, Joël le Blond, veux-tu que je te donne un conseil ?»« Je te le permets, mon cousin, » dit l'enfant en se posant fièrement. « Puisque vous daignez m'écouter, sire, retenez ceci. Voulez-vous gouverner sans trop de gêne, dormir sans craindre un fâcheux réveil, prendre vos aises ?»« Cela m'irait assez. »« Eh bien, Joël le Blond, faites-vous aimer. » »« Nous y songerons, » reprit l'enfant, sur quoi il allongea un coup de poing superbe à un de ses sujets, qui s'était familièrement appuyé sur son épaule royale. Charlemagne s'en fut rejoindre Eginhard, Théodulfe, Laidrade et Alcuin, avec lesquels il s'enferma pour travailler à ses capitulaires. À peine était-il dans son cabinet depuis une demi-heure qu'il entendit un grand bruit dans le jardin sous ses fenêtres. Les cris, les rires, les pleurs se confondaient et prirent bientôt un tel caractère que l'empereur se leva, curieux de voir quelle en était la cause. Je vous assure, mes enfants, qu'il ne fut pas surpris à moitié lorsqu'il aperçut Mitaine furieuse aux prises avec un grand garçon qu'elle venait de renverser et qu'elle tenait sous ses genoux. « Ah, ça, maître Joël, vous avez une singulière façon de gouverner !» cria Charlemagne par la fenêtre. « Est-ce ainsi que vous assurez la sécurité de vos sujets ? Que veut dire ceci ?» Le tumulte s'apaisa. Mitaine lâcha sa proie. Joël s'avança et prit la parole. « Je regrette d'avoir à vous rappeler, sire, que vous nous aviez promis liberté entière, et j'ai lieu d'être surpris quand je vous vois vous mêler ainsi de ce qui se passe dans mes états. Que dirait votre majesté si le roi de Saragosse ou celui de Perse venait l'interroger sur ce que l'on fait chez elle? Cependant, je n'ai pas oublié que je vous dois ma couronne, sire. Je suis bon prince et consens à vous répondre. » Nous avions résolu d'organiser un tournoi, et pour qu'il fût digne de moi, je commençai par me choisir une cour. Ceux qui sont là-bas en train de se disputer les restes d'un pâté la composaient. J'armais des chevaliers, vous les voyez sur le gazon, et les culbutes qu'ils font en ce moment vous disent assez si je les avais bien choisis. J'improvisais des armes comme j'avais improvisé des preux. Les dames choisirent alors leurs cavaliers. Mitaine, acclamée reine de beauté, donna la préférence à ce grand garçon auquel en ce moment elle donne de si beaux orions. Les trompettes retentirent et je pris place sur mon trône avec une majesté qui vous eût charmé à coup sûr. Les joutes commencèrent aussitôt et tout se passa d'abord assez bien. Riolet reçut de Charlot ce coup de poing sur l'œil qui prête à sa physionomie un air tout à fait martial. Loïs eut deux dents cassées. Aude laissa sur le champ de bataille deux poignées de cheveux. Et nous comptions bien n'en pas rester là quand Bérard, le chevalier choisi par Mitaine, entra dans la lice. Il se présenta fièrement et vint avec arrogance défier Odile. Celui-ci, sans se déconcerter, lui allongea dans les jambes un coup de pied si bien appliqué que le malheureux perdit contenance et prit la fuite. Cette vue transporta Mitaine d'indignation et, descendant brusquement de son trône, elle fit mordre la poussière à Bérard, aussi effrayé que surpris. Puis, ceci fait, elle se tourna vers son chevalier, lui adressa des reproches sur son manque de courage, et vous voyez quel a été le sort du malheureux Odile. Je me suis bien gardée de mettre obstacle au triomphe de Mitaine, qui, reine jusqu'ici par le rang et la beauté, l'est devenue bien plus encore par son courage. » Charlemagne rit pendant 7 minutes à ce que dit l'histoire, comme jamais il n'avait ri. Puis il appela sa filleule. « Par mon sceptre, voilà qui est agir en héroïne, et je prétends bien t'en récompenser. Il me semble d'abord qu'une marche triomphale serait assez de saison. Qu'en pense mon compère Joël Lavisé ?»« Bien dit, sire. Va pour la marche triomphale. » Une chose seulement m'embarrasse. Si nous couronnons Mitaine pour son courage, nous n'aurons plus de reine de beauté. Par ma barbe, sire, dit le petit Joël en caressant son menton de 12 ans et en singeant l'empereur de son mieux. Il faut avouer que vous vous troublez pour peu. Puis il alla chercher son camarade Charlot, dont l'œil devenait plus noir de minute en minute. Que diriez-vous de ce roi de beauté? N'est-il pas juste que l'un et l'autre sexe participent au triomphe, comme d'ordinaire? Voilà qui est parlé en sage, dit Charlemagne riant aux larmes. Qu'on amène aux Grisses, c'est la seule monture digne de ma courageuse filleule. Et vous, seigneurs rivaux et déconfits, c'est à vous que je parle, Bérard. À vous aussi, Odile, vous allez escorter votre vainqueur. Quant au roi de beauté, qu'en ferons-nous, compère ? Joël, sans répondre, demanda à quatre chevaliers de bonne volonté, et sur leurs épaules il installa Charlot, auquel la douleur et la confusion faisaient faire d'assez laides grimaces. Le cortège se mit en marche au bruit des rires et des bravos. Le soir, Charlemagne prit Miton à part et lui dit « Savez-vous bien que notre mitaine n'est pas faite pour porter plus longtemps la jupe et qu'une arme dans ses mains serait mieux placée qu'une aiguille ?» Ces attaques auxquelles elle a, grâce au ciel, échappé jusqu'à présent, peuvent se renouveler, et je voudrais la mettre davantage sous ma protection. J'ai une offre à vous faire, comte de Rennes. Donnez-la-moi pour page, et je lui ferai apprendre le métier des armes. Ou je me trompe fort, ou je préparerai là un rude soutien à mon fils. » L'offre fut acceptée. Et dès le lendemain, Mitaine, toute joyeuse, prit rang parmi les pages, dont elle adopta le costume masculin.